marraine, collègue, poète ont disparu. Hola, SOS, la chanson, y me llamo Andrés. Ton corps dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. El 8 de marzo 2018 quedará en las memorias en España como un día histórico. Tan histórico que en los otros países se ha destacado en los principales medios. Más de, no se sabe cuánto, pero millones de personas en la calle se manifestaron reivindicando igualdad entre hombres y mujeres, para resumir. En Sevilla, concretamente, era impresionante. La manifestación no podía arrancar. Arrancó como hora y media después de su convocatoria porque estaba todas las vías de acceso bloqueadas. No podía ser de otra manera que dedicar ese programa a las mujeres. Quiero decir con eso, solamente escuchar a cantantes mujeres. Y vamos a aprovechar para escuchar una nueva ola de jóvenes cantantes o cantautoras, compositoras que están pisando fuerte. Quizás no reivindiquen derechos sociales en sus canciones, pero expresan más libremente que nunca lo más íntimo, sus sentimientos y deseos. Y ya queda lejos la época en la que Bárbara era la única que escribía sus canciones. Empezaremos con Adrienne Pouli, una joven artista de 40 años, también actriz. Tiene dos discos, el último en enero de este año. Su canción más conocida es Je veux un mec, quiero un tío, de su primer disco del 2006. Tu opinión me la suda, tus amigos, tu curro, tu dinero me dan igual. Quiero un tío, no flores. Pero si me haces bien el amor, bésame o me muero. Quiero caricias como un trenecito que me recorra los riñones. Quiero besos que pican, bésame. Vamos a escuchar Je veux un mec de Adrienne Pouli, cantado por ella, del año 2006. Non, je veux pas me lever, m'habiller, je veux un mec, je veux un mec. Oui, c'est bête, m'allonger pour la vie, ça m'embête, je veux un mec. Non, je veux pas un ciné, rigoler, je veux un mec, je veux un mec. Ouais, je m'entête, mes beaux airs, ça m'inquiète, je veux un mec. J'en ai rien à foutre, tes amis, j'en ai rien à foutre. Ton boulot et ta gym, ton mal de ta clim. Ton âme, j'en ai rien à foutre, ton argent encore moins. Ton psy et tes horreurs, écoute-moi. Oui, je vais pas me calmer, oui, je vais continuer. Oublie les fleurs, je serai pas l'heure. Attends-moi, des illusions, j'en ai pas loin. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Non, je veux pas oublier, travailler. Je veux un mec, je veux un mec. Ouais, je me plains, ouais c'est bête, ouais ça craint. Je veux un mec, viens le mec. Ta maman qui est partie, ton papa qui est parti, ton ex qui te hante, ta moto qui te plante. J'en ai rien à foutre, de la pluie j'en ai rien à foutre. Je veux un mec, pas du vent. Regarde-moi. Non, je vais pas me reprendre en main, me calmer, prendre un petit bain. Oui, je vais rester dans mon coin. Si t'es un mec, rejoins-moi. Plus tu veux me faire taire avec tes lèvres si t'en es un. Si t'es un mec, réponds-moi. Ton chapeau, j'en ai rien à foutre. Ton blouson, j'en ai rien à foutre. Tes vêtements, tu peux te les foutre. Sur le canapé, des illusions, j'en ai pas lourd. Mais à quoi bon faire des discours sur le canapé ou ailleurs? Embrasse-moi ou je meurs. Viens. Comme un petit train qui me coule le long des reins. Je veux des baisers qui piquent des frissons. Ah, si tu pouvais me faire changer d'air. Ah, si tu pouvais, tu pouvais me faire taire. Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Seguiremos con Anaïs, de 41 años, con 8 discos publicados, famosa por su libertad de tono y su ironía. Vamos a escuchar Le Premier Amour, El Primer Amor, de su álbum The Love, álbum disco de oro. Nos hemos encontrado una noche de verano, hemos hecho el amor, ya no nos hemos separado. El primer amor es una chorrada. Nos queremos para siempre, pero no funciona. Por ti creí que me gustaba lo que no me gustaba. Por ti habría ido al fin del mundo. Sin mí te fuiste al fin del mundo. Sin ti creí que el fin del mundo había llegado. Escuchemos Le Premier Amour de y por Anaïs del año 2008. Rencontrer un beau soir d'été, on a fait l'amour un beau jour aussi. On ne s'est plus quitté, on ne sait plus pourquoi, mais ça a duré des mois et des mois, voire des années. J'aimais les ciné, les toucher, les sorties. T'étais casané et tu prenais des bains. N'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche pas. C'est n'importe quoi. Je ne me souviens pas de quoi on parlait. Tu étais maladroit et tellement coincé. Comme ça n'allait pas, on ne parlait que de ça. Et tes mots d'amour me faisaient pleurer des jours entiers. J'écoutais en silence les blagues de tes amis. Et toi de ton côté tu supportais les miens. J'étais plutôt du soir, toi plutôt du matin. Comment veux-tu que ça finisse bien? N'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche. Je regardais des matchs de basket pour moi. Tu regardais un peu moins le basket pour toi. J'ai cru que j'aimais ce que je n'aimais pas. Pour toi, je serais allée au bout du monde sans moi. Tu es partie au bout du monde sans toi. J'ai cru que la fin du monde était là. Le premier amour, c'est n'importe quoi. Nuestro próximo tema lo canta un grupo formado por Sylvie Oaro, de 47 años, y Aurélie Saada, de 39. Han decidido llamar a su grupo Brigitte, que es un nombre femenino, en homenaje a tres Brigitte famosas en Francia: Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine, la cantante, y Brigitte, la actriz porno. No Brigitte Macron, obviamente. Un estilo inconfundible entre sensual y vocal. Vamos a escuchar Pluriel, plural, en femenino en francés, de su álbum A Bouche Que Veux-tu, del año 2014, disco de oro. Atreverse a elegir, no elegir, y ofrecerse el infinito de los posibles. Atreverse a gozar de mi libertad querida, y por qué no, entre las dos mi corazón duda, entre la fiebre o el romance, entre el infierno o la despreocupación, lo quiero todo y su contrario, soy plural. Escuchemos Pluriel de y por Brigitte del año 2014. Oh, Nuestra próxima protagonista es Jeanne Chéral, de 40 años, artista con un público ya fiel, varios discos de oro, una victoria de la música en 2005 y varios premios prestigiosos. Toca todos los instrumentos, aunque su instrumento de predilección es el piano, que acompaña perfectamente su voz grácil. Vamos a escuchar de su último álbum, Quand c'est non, cuando es no, una canción protesta contra el acoso sexual. Érase una vez un alma como tú que en un deseo violento quiso llegar demasiado rápido. A menudo la mujer es cambiante, si se debate es para decir mejor que sí, pero cuando es no. Cuando es no, se siente, guarda tu palo y adiós, muy buenas. Vamos a escuchar Quand c'est non, de y por Jeanne Chéral, del año 2014. Juliette Armanet, de 33 años, acaba de conseguir en marzo este mes una victoria de la música por su primer álbum. Pianista, calificada de hija oculta de Véronique Sanson y Michel Berger, nada más y nada menos por la crítica, está cosechando todos los elogios. Dice, sola en mi piel, en la playa flirteo con las nubes, qué pena. A dos es tan guay fumar cigarrillos en la playa. ¿Dónde estás, mi alter? ¿Dónde estás, mi colilla? Atravieso el desierto, el amor en solitario. Vuelva, mi héroe. Vamos a escuchar L'amour en solitaire, El amor en solitario, no lo había dicho, de y por Juliette Armanet del año 2017. Dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Vamos a escuchar ahora Ma Bouche, Mi Boca, de Elodie Frégé, 36 años, del último de sus cuatro discos. Mi boca no mira la hora, viajera, mi boca toca la diana, mi boca te toca, mis labios levantan tu fiebre, mi boca loca te aloca, mi boca te tumba, mi boca entera podría ganar la guerra. Vamos a escuchar Ma Bouche de y por Elodie Frégé del año 2013. Ma bouche en cœur ne regarde pas l'heure, elle avale ta trotteuse en cavale baroudeuse. Ma bouche fait mouche. Ma bouche a peur quand tu tardes au bonheur. Elle s'affale boudeuse sur un mal d'amoureuse. Ma bouche te touche. Mes lèvres, tes lèvres, tes lèvres, tes lèvres. Mes lèvres, lèvres, lèvres, lèvres. Ta fièvre. Mes lèvres, tes lèvres, tes lèvres, tes lèvres. Ma bouche te couche. Ma bouche idole, paradis, parabole. Reprend son air pincé. Si tu l'as évincé, ma bouche va rouge. T'es beau, eres guapo, es un tema del primer álbum de Pauline Cross de 38 años. Al día de hoy tiene 5. Es una artista muy influenciada por la música brasileña, como indica su cuarto álbum del año 2016, que se llama Bossa Nova. Eres guapo porque tienes el valor de mirar a los ojos el que te reta a ser feliz. Eres guapo como un grito silencioso que lucha por curar sus cardinales. Tú que sales sin armas ni odio, tengo miedo de los vivos. Vamos a escuchar Te Beau de y por Pauline Cross del año 2005. Te beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux. Qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, chez moi, dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Qui sort de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre. À présent, sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre. À présent, t'es beau. Oh, non, non, non, non, non, non, non, t'es beau. Non, non, non. Olivia Ruiz también tiene 38 años, pero parece que lleva décadas instalada en las cumbres. 15 años cantando y 7 discos con mucho éxito. El segundo, La Femme Chocolat, La Mujer Chocolate, se vendía a nada más y nada menos que 1.300.000 ejemplares. Un estilo inconfundible, hecho de ritmo y provocación, como el famoso J'aime pas l'amour, no me gusta el amor, su primer álbum. Ha decidido adoptar el apellido de su abuela materna, Ruiz, española refugiada en Francia, y por cierto publicó en el 2008 una versión española de su segundo disco, que se llama La Chica Chocolate en español. Vamos a escuchar Mon corps, mon amour, mi cuerpo, mi amor, de su último disco. Mi cuerpo se duerme, mi amor, llamo tus manos a recorrerme. Mi cuerpo se debilita, mi amor, llamo a tu valentía. Follo, luego existo. Me la suda que me critiquen, nada disocia mis carnes de mi alma. Mi cuerpo encuentra consuelo, renace junto a otro terciopelo. Me gusta cuando vibra sin rodeos. Corro fuera, volver a ver la luz. Vamos a escuchar Mon corps, mon amour de y por Olivia Ruiz del año 2016. J'appelle tes mains à leur parcours. Mon corps se griffe, mon amour. Sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour. Il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour. Et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour. Je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour. J'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo, plus que l'envie. Je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme. C'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné et l'autre. Ces atours, mon corps disparaît, mon amour. Je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour. Je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour. Car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo, plus que l'envie. Je baise, donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours. Mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour. J'appelle tes mains à leur parcours. Mon corps se griffe, mon amour. Sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps est atone, mon amour. Je sens poindre un non-retour. Mon corps s'éteint, mon amour. Il ne vaut rien sans ton secours. Mademoiselle K es un grupo de rock liderado por la cantante Catherine Gerak, de 37 años. Llevan 6 discos. Vamos a escuchar el tema que da nombre a su último álbum, Sous les brûlures, debajo de las quemaduras. Está claro que necesitaré muchas canciones antes de soltar la esperanza que me digas vuelvo. Perdida en la niebla, voy a darme en este espejo hasta destrozarme la cara, antes de romper el muro que me oculta las soluciones debajo de las quemaduras, la incandescencia intacta. Vamos a escuchar Sous les brûlures de y por Mademoiselle K del año 2017. Thank you. prochaine l'incertain. Sans doute je vais croiser encore beaucoup de doutes, me cogner dans cette glace, me ruiner la face avant de casser le mur qui me cache les solutions. Foncer à toute allure dans l'incompréhension, sous les brûlures, l'incandescence s'attaque. Derrière le mur, la solution s'efface. En vérité, mon vérité, mon temps de visage. En vérité, j'ai le dos qui tremble de porter toute ma rage. Sous les brûlures, l'incandescence s'attaque. Derrière le mur, la solution me lâche. En vérité, mon vérité, mon temps de visage. En vérité. Vamos ahora con la más joven de nuestras cantautoras, de solo 22 años y con ya dos discos, POM, que significa manzana, nombre artístico de Claire Pomé. Escucharemos Je suis pas dupe, no soy crédula, de su último álbum. En la sombra de tus ojos he encontrado las mentiras más bonitas y en mi corazón has pensado y tengo que creer que quieres quererme, no soy crédula. Cuando escupes tus palabras sé que no vas en serio, da igual el amor, que te vayas ya. Vamos a escuchar Suis pas dupe de y por POM del año 2016. Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges, emmêlés comme des nœuds, et mon cœur, est-ce que t'y songes? Tu dis que la lune brille en bleu et que les mers sont asséchées. Vente tout ce que tu peux. Et je dois croire que tu veux m'aimer. Je suis pas dupe. Et même les fleurs de ma jupe s'envolent haut quand tu craches tes mots. Carmen María Vega nació en Guatemala hace 33 años, pero vive desde niña en Francia. Aparte de sus 4 discos, se ha dado a conocer por interpretar el papel de Miss Tinguet, la primera gran cantante francesa de principios del siglo XX, en la comedia musical famosa del año pasado. De alguna manera, como Miss Tinguet, Carmen María rompe moldes, recoge hoy esa libertad y esa impertinencia. Vamos a escuchar La Menteuse, La Mentirosa, de su primer álbum. Bueno, ya miento con pasión a mis amigos, a mis padres. Digo que conocí a Brad Pitt. Bueno, no la tiene tan grande. Finalmente me decía Johnny, que te quiero, tú tienes talento. Bueno, no es fácil no perder el hilo. A veces quisiera huir, estás sola en una isla. Desde esta mañana ya no miento. Me dije que no llevaba a ninguna parte. Me queda volver a llamar a toda mi gente para volver a reír como antes. Vamos a escuchar La Menteuse de y por Carmen María Vega del año 2009. Bah, moi, je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent, je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt, d'ailleurs elle a pas une si grosse, enfin j'aurais su, j'aurais pas venu, en plus les pas si beaux. À mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris, finalement me dit c'est Johnny que je t'aime, toi t'as du talent hein. À moi? À vous? Merci. Bah moi je m'en fiche, j'ai plus que quand je me suis dit vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah il s'en remet travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois, je voudrais fuir, partir de là. Seul sur une île. Bah moi je m'en mets pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi je mens, même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas laissez-moi tranquille, me touchez pas. Sans mon mauvais vent souffert. Ah bah moi je m'en plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement. Y terminaremos con una veterana, Catherine Ringer, de 60 años, cantante del mítico dúo de rock Lerita Mitsuko durante 25 años hasta que su compañero Fred Chichin muriera en el 2007. Ha seguido desde entonces una carrera en solitario, cosechando la victoria de la mejor artista femenina en el 2012, y no pudo repetir este mes de marzo, porque la ganó frente a Luan y a ella Charlotte Gainsbourg. Escucharemos de su último disco un bien bel homme, un hombre muy guapo. Tengo ganas de ti escuchando tu voz, tengo ganas de ti escuchando tus risas. Eres un hombre muy guapo y me derrito. ¿Lo ves? Tengo ganas de ti. Tú que apenas me ves, me derrito, me derrito. Te recuerdo que si quieres volver a escuchar este programa, lo puedes hacer en la página web de Radiopolis, en La Chanson, o también en la página de Facebook La Chanson Radiopolis. Hasta el mes que viene. Escuchemos un bien bel homme de y por Catherine Ringer del año 2017. J'ai envie de toi.